la vie fait que souvent tu vis la larme à l'œil. Maudit bonne sœur, le créateur lui-même rappe en prêtre et consort. Pleure voyant leur corps, jure bravant la censure. Le temps passe, mais rien ne s'efface à coup sûr. L'huissier de la vie est passé, ma mère saigne, mes tantes saignent, mon bloc saigne, je dois mettre ça en verset. Le cœur qui craque avant les tripes, je perds le contrôle. Nos vies méritent réinscriptes, la mort laisse des plaies béantes. Ma nièce me sourit, tue les regrets qui me hantent. On se nourrit de souvenirs sur papier glacé. Naissance et mort, controverse et fatalité. Les meilleures parts, c'est injustice pour certains. D'autres rien à foutre, te serre la main. Pleure à l'enterrement quand ta main, je mets un doute. Je pète mes 16 en ajoutant au texte de James. Hardcore, hardcore comme une famille qui compte ses morts. Qu'est-ce qui restera? Je connais la fin du film, je sais qu'un jour ou l'autre j'irai, mais je me presse pas. À moins que tu me traînes de force, tu mettes un terme à la fête. J'ai fait quoi de mal si tu me prives de tout ce que j'aurais pu connaître? Plus le temps passe et plus je te sens proche. Tu me regardes, cherche le moment propice, je reste sur mes gardes. Attends que ce jeu se finisse, puisqu'il faut que je m'en aille. Un jour ou l'autre que je mette les voiles pour toujours. À quoi bon faire un détour, chacun son heure? Qu'est-ce qui est insensé? Demain je meurs. Les détails prennent de l'importance, de la valeur. Dès que ton touche et mes fleurs, fuir le destin impossible, tu veilles. Mourir vieux ou claquer dans une heure, t'inquiète, c'est pareil. Chaque seconde comme un pas de plus vert, ta rencontre 20 ans gagné sur la vie avant le finish. Et y'a si peu de gens qui se rendent compte, je passe ici en coup de vent. Et pour mourir, je sais que tu me jettes au tournant. Trop de trucs à accomplir, laisse-moi encore un peu de temps. Ma route est longue et j'ai pas de raccourci. J'ai juste une ligne droite. Mon carburant c'est la soif de la vie. Mais certains s'hydratent. Alors on cherche le bise et rubis, juste comme des pirates. Et le peu qui cherche les ennuis font que tout le monde s'y gratte. On commence à poussière, donc on prend la haine pour pas pourrir. Mais on finira poussière, recycler PQ. Tout ça pour dire qu'on veut sa gueule en statue. Sur son socle façon souvenir, pour échapper aux règles et finir dans un fou rire. Les heures passent et on sneak encore. Ça veut tout dire. Ça sert à quoi d'être trop speed sans borne? Prends recul, soupir. Parce que si on part on couille trop fort, trop dangereux sans s'adoucir. C'est que l'homme grandit comme les grands feux juste avant de mourir. On se fixe des barrières, genre de pas voir pour les immatures. On fuite les moins puissants saignent à cause de la loi de la bavure. On cherche règne, on tombe sur une loi de la nature qui nous enseigne que ton règne finit pour braise et rature. Éphémère, gloire, éphémère. En dessous ici les grosses caisses, ta life même est éphémère. On s'éteint tous, seul, à poil comme à l'enfantement. Ta fortune c'est pour spondre, elle s'arrête à la tombe. Si c'est des péchés que t'emportes, connard. Ce que t'as dans la poitrine, de beau, de mauvais, y'a que ça l'éternel. J'kiffe trop l'époque, j'en oublie même les cinq prières. Le temps cabale sur ma gueule, si j'gagne l'âge gris. J'aime l'oseille trop, putain c'est maladif, sexe et shit. Tout ce qui nous rend tous faites face à l'Iblis. Ennemi déclaré c'est hoche, c'est la guerre ici. Tous prêts à tout lâcher en ligne et très kaki. On passe et tout, fataliste peut-être mais lucide. Stop une minute, écoute, regarde les gens vivre. Ça c'est pour les frères qui savent, négro. Prie Dieu à genoux, le front sur le sol, c'est ça le salut.